Chapitre 7e. Comment nos amants perdent le boire et le manger. Plénoche revient lui-même par une belle extravagance. Ce n'est pas seulement dans les comédies de ce temps qu'on voyait les amoureux se servir de déguisements pour tromper les jaloux. La pratique en était commune ailleurs que sur le théâtre. M. Vertamont n'était pas encore rétabli du coup que lui avait porté le pronostic cornu du chevalier. Il s'en allait, rôdant, la tête penchée sous le poids de l'inquiétude, lorsque Plénoche, ayant graissé la patte aux Suisses de la maison, s'introduisit chez sa belle sous les habits d'un marchand de rubans. Avec ce coup d'œil habile qu'ont les femmes, Madame la conseillère reconnut son amoureux. Elle l'emmena dans sa chambre, sous couleur de choisir à son aise les rubans dont elle avait besoin, et renvoya les domestiques. « Chevalier, dit-elle aussitôt qu'ils furent seuls, vous n'avez donc point demandé vos 4000 livres en disant qu'à ce prix vous renonceriez volontiers à ma main ? Madame, me connaissez-vous si peu que de me faire cette injure ? Devrais-je avoir besoin de me justifier ? Pourquoi donc avez-vous envoyé des sommations à mon père en réclamant le paiement de cette somme ? Parce que je savais l'avarice de M. Quatre-Sous et celle de votre prétendu. J'espérais ainsi les détourner tous deux de faire ce mariage. On s'est servi de mon ardeur à vous désirer pour me perdre dans votre estime. Mais pouvais-je penser que leurs artifices vous trouveraient aussi crédule ? Leur ruse était grossière, et d'ailleurs il est malaisé à un amant de prévoir qu'on le puisse accuser d'une basse cupidité. Hélas, que de malheur, faute d'un mot d'explication. N'est-ce pas plutôt vous, ingrate, qui avez faim de me croire coupable pour manquer à vos serments ? Ne m'accusez point, chevalier. Je suis assez malheureuse sans que vous acheviez de m'accabler par vos reproches. Mais ne me direz-vous pas au moins que vous me rendez votre estime ? Ai-je besoin de vous le dire ? Ne voyez-vous pas mes regrets et mes larmes ? Plénoche se jeta aux genoux de Madame Vertamont. « Ce n'est point assez, dit-il en lui prenant les mains. Il faut encore me rendre votre amour, si vous ne voulez que je meure. Hélas, chevalier, je le pensais bien que vous en viendriez à me faire ces demandes, mais ne devons-nous pas songer à ma réputation ? Eh, madame, qui donc aurait le courage de mal parler de vous, sachant de quelle perfidie on a usé pour vous marier ? Ce serait plutôt si vous m'étiez cruel qu'on vous blâmerait. Tout le monde nous donne l'absolution d'avance. Ce Vertamont est haï et méprisé. Quiconque à l'âme tendre s'intéresse à notre infortune. Les hommes sont méchants. Au lieu de me chercher des excuses, ils feindraient de me trouver criminel. Une fois marié, je n'ai plus qu'à pleurer le reste de mes jours. Je suis perdu, si vous vous attachez à cette complaisance, à votre douleur. Chevalier, consolez-vous en pensant que jamais je n'aimerai un autre que vous, et moi, je perdrai patience jusqu'à ce qu'il plaise au ciel de finir mes chagrins par la mort. Ah, je comprends que vous ne m'avez jamais aimé, s'écria Plénoche de désespoir. Vous n'osez point m'avouer en face que vous m'avez manqué de foi volontairement. Ce Vertamont est plus riche que moi. C'est la seule raison de votre infidélité. La jeune dame ne put endurer ce reproche. Elle tomba dans les bras de son ami en l'appelant ingrat de l'air le plus doux du monde. Plénoche ne douta plus qu'on l'aima aussi tendrement que jamais. Ce moment l'eût payé de tous ses ennuis s'il eût été de plus longue durée. Mais M. Vertamont parut et, trouvant sa femme et le porte-balle qui s'embrassaient, poussa un cri de surprise. Il reconnut incontinent Plénoche, car notre héros, voyant son bonheur s'enfuir et l'occasion perdue, donnait de bonne foi l'importun à tous les diables. Le conseiller n'était pas brave, comme on l'a pu remarquer, mais son ennemi n'avait point d'épée ni de bâton à cause du déguisement. L'instant était favorable pour l'attaquer avec avantage. Vertamont saisit une courte rapière et vint à lui le bras haut pour lui percer la poitrine. Plénoche esquiva le coup en reculant. Ils se mirent alors à tourner alentour des meubles, l'un se sauvant et l'autre écumant de rage, ce qui fait une scène divertissante pour Madame la conseillère s'il ne se fût agi des jours de son amant. Par bonheur, Plénoche était leste et adroit. Il détourna d'une main l'épée de son adversaire et lui appliqua de l'autre un si rude coup à poing fermé qu'il l'envoyait tomber assis dans une vaste corbeille à mettre les vieux papiers. Il gagna ensuite les dehors avant que les cris de Vertamont eussent assemblé les valets, et cette aventure lui fournit matière à une lettre dont Mademoiselle de Longueville et toute la compagnie de Coulommiers s'amusèrent fort. Cependant, le mari savait, à n'en pouvoir douter, qu'à la première rencontre, il serait fait quelque entaille à son contrat de mariage. Il redoubla de soins à garder sa femme et ne la perdit plus de vue un seul instant. Il n'alla plus à ses affaires et ne quittait pas le logis. Le pouvoir d'un mari n'est point peu de chose quand une fois il en vient à ses moyens extrêmes. Le droit de ne s'éloigner jamais d'une semelle et de partager jusqu'au lit d'une femme est une formidable puissance. Berthamon en usa dans la plus grande rigueur. Il ne laissait pas même à Madame la conseillère le loisir de songer à ses ennuis ou de se recueillir dans son oratoire. La jeune dame amassait une furieuse haine contre son jaloux au milieu de ses tyrannies. Mais le Robin ne s'en inquiétait pas, ayant plus du souci de son front que du cœur de sa femme. Il pensait d'ailleurs que de ce côté ses affaires étaient gâtées sans remède, et sans doute il n'avait pas tort. Madame la conseillère était fort à plaindre. Le chagrin et les vexations de toutes sortes lui firent perdre l'appétit et la santé. Cette fleur de jeunesse qui épanouissait ses joues menaçait de se flétrir. C'était un spectacle affligeant que de voir des traits si beaux n'exprimer que la tristesse. Les bonnes gens du quartier, voyant passer Madame Berthamon au bras de son mari, murmuraient en disant que le conseiller donnait du poison à sa femme et que c'était une grande pitié qu'on ne l'en empêchât point. Notre héros ne rencontrait plus sa maîtresse que le dimanche à la messe et tous deux se regardaient avec langueur en poussant des soupirs à fendre les colonnes. Monsieur Patru, qui en fut témoin un jour, en eut le cœur touché. « Ces soupirs-là, disait-il, appartiennent à une douleur bien véritable, et je m'étonnerais s'ils n'annonçaient pas un orage tout prêt à éclater. » En effet, la cervelle de Plénoche fermentait horriblement, sans qu'il parût beaucoup à sa figure et à ses manières. Trois gentilshommes qui arrivaient de Coulommiers lui apportaient un jour une lettre de Mademoiselle de Longueville. « Mon pauvre chevalier, lui écrivait la princesse, que me vient-on d'apprendre? Vous vous en allez dépérissant d'ennui et d'amour. C'est un grand souci pour moi, qui vous aime et vous estime fort. Je n'oserais vous exciter à sortir de l'inaction, si l'on ne m'eût appris en même temps que notre chère demoiselle Quatre Sous était aussi malheureuse et fâchée de son sort que vous l'êtes du vôtre. J'ai songé toute une nuit, et voici ce que je crois vous devoir conseiller. Il faut que vous preniez un parti, soit en renonçant à votre maîtresse, soit en ayant recours à tous les moyens en votre pouvoir pour l'enlever. Le premier parti est le plus sage, et par cette raison, je doute qu'il soit de votre goût. Cependant, je vous en ferai comprendre le bon côté. Vous ne reviendrez à Coulommiers. L'amitié du duc, mon père, et celle que je vous porte, vous tireront de peine avec l'aide du temps, ce surconsolateur des amants infortunés. Nous vous trouverons une femme digne de vous. Je sais bien que la seule pensée de donner votre cœur à une autre que votre maîtresse vous révoltera d'abord. Mais des exemples sans nombre ont prouvé que la chose n'était pas impossible. Le second parti que je vous propose vous plaira davantage, et je n'ai pas besoin de vous dire les agréments que vous y trouverez. Quel que soit votre penchant, décidez-vous au moins avec promptitude, et ne vous laissez point mourir dans la consomption. Si je ne vous connaissais à fond, et si je m'étais arrêté, comme la plupart de vos amis, à cette écorce trompeuse qui vous a valu la réputation d'un homme grave, je vous approuverais de rester courageusement dans les souffrances. Mais, entre nous, la vie que vous menez est contre votre naturel. Revenez à vous, si vous ne voulez que nous pleurions bientôt votre mort. Ce serait une grande sottise au chevalier de Plénoche que d'être sage avec obstination dans l'affaire qui lui tient le plus au cœur, lorsque la folie le doit tirer de peine. Soyez donc tout à fait sage, comme un philosophe de l'Antiquité, ou bien reprenez vos allures d'habitude et faites-vous fou comme je vous ai connu. En deux mots, ou renoncez à votre maîtresse, ou servez à M. Berthamon un plat de votre invention. Vous trouverez, dans les deux cas, l'appui que vous peuvent donner mon crédit et mon amitié. Je ne veux point que la semaine prochaine s'achève sans que nous vous ayons à Coulommiers. Je vous donne ma main à baiser et suis, votre affectionné, Clélie de Longueville. « Eh bien, chevalier, dirent les jeunes gens qui avaient apporté cette lettre, qu'allez-vous répondre ?»« C'est à présent, répondit Plénoche, que je suis un fou de vivre, comme je le fais, dans les soupirs. Mes yeux s'ouvrent enfin, messieurs. La princesse m'a rendu un signalé service, en me rappelant à moi-même. Vous plairait-il de me prêter les mains pour mener à bien une petite aventure? Nous sommes à vous, chevalier. Nous connaissons votre prudence et votre courage. Commandez, nous obéirons. Que voulez-vous entreprendre? Un enlèvement, messieurs. Cela nous convient. Quel jour choisissez-vous pour le coup de main? Celui qui nous éclaire et l'heure présente. Bon, cela. Il ne faut pas remettre le lendemain. Et comment allons-nous faire? Pardieu, marcher tout droit au logis de Berthamon, mettre sa femme dans un carreau, c'est partir. C'est admirable. Il n'y avait pas deux heures d'écoulées quand un carrosse gris, comme étaient tous ceux de Louage, s'arrêta devant la maison de Berthamon. Plénoche et les trois gentilshommes en descendirent et traversèrent d'un pas mesuré les cours et les vestibules. Monsieur le conseiller les vint recevoir en haut des degrés. « Que demandez-vous, messieurs ? » dit-il en avisant son ennemi. « je n'accepterai point de duel et ne connais que les voies processives. » Il ne s'agit pas d'un duel, monsieur, répondit le chevalier. Je viens entretenir un instant Madame Vertamont en votre présence. Il faut bien que je fasse ma visite et mes compliments de noces. Je vous en dispense, monsieur. Et où serait la civilité, monsieur Vertamont? Votre femme est une ancienne connaissance à moi. Je lui viens faire mon présent de mariage. Elle n'en a que faire. Pardonnez-moi, monsieur, je crois qu'elle l'acceptera de bonne grâce. Tout en parlant, Plénoche et ses amis entrèrent dans un salon. Notre héros prit la clochette et appela un laquais. « Avertissez, Madame Vertamont, dit-il, que le chevalier de Plénoche l'attend ici avec de la compagnie. « Ne vous effrayez point, monsieur le conseiller, poursuivit-il, ce sont peut-être des adieux éternels que je vais faire à votre femme. « Plaise au ciel que vous disiez vrai, mais tout ceci ressemble furieusement à un mauvais tour. « Et n'avez-vous pas les voies processives de votre côté ? Je m'y jetterai à tête perdue. Si vous commettez des violences ici, je vous en préviens. » Ce sera parfaitement fait, monsieur Vertamont. La jeune dame entra bientôt. Elle était pâle de visage et fort émue, mais aussi belle que jamais. Madame, lui dit Plénoche, ayant senti qu'il m'était impossible de vivre plus longtemps loin de vous, je viens mettre ma vie en vos mains. Je vais me tuer en sortant d'ici, et j'ai voulu vous dire adieu pour la dernière fois avant que de rendre l'âme. J'ai amené 3 gentilshommes de mes amis pour qu'ils entendent mes paroles et me déclarent par toute la terre un imposteur et un poltron, si je n'ai accompli mon dessein au jour de demain. « Et quoi ? » s'écria la jeune dame. « Voulez-vous donc empoisonner tout le reste de ma vie ? Ne savez-vous pas combien je suis à plaindre déjà, sans me donner encore ce dernier coup, plus cruel que les autres ? Si vous aviez autant d'amour pour moi, que vous l'assurez, vous craindriez d'augmenter mes chagrins. Monsieur Plénoche, c'est bien mal à vous de m'enfoncer ainsi le poignard dans le cœur. » Madame Vertamont posait les mains sur son visage, pour cacher des pleurs, dont l'excès dérange toujours les plus beaux traits du monde. Mais elle n'en pleurait pas moins tout de bon, car elle aimait tendrement notre héros. « Il n'y a plus à marchander, madame, » reprit Plénoche. « Je préfère 1000 fois la mort à l'état où je suis. Si je ne dois plus espérer de vous posséder, il faut que je mette fin à mes supplices. « Hélas, que je suis malheureuse !» dit la jeune dame avec des sanglots. Vertamont seul ne voulait pas s'attendrir. « Chevalier, que ne vous mettez-vous au couvent? Ce serait bien plus sage. » « Il est vrai que vous seriez aussi sûrement débarrassé de moi, mais ce n'est pas mon compte. Mes ennuis et mon désespoir finiront aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, c'est un point résolu. »« Le méchant, l'ingrat, » disait la dame, « l'ingrat qui me veut abandonner. » « Il n'est plus qu'un moyen de m'arrêter, » reprit Plénoche. « Vous pouvez encore me rendre à la vie. » « Parlez, chevalier, je donnerai mes jours pour sauver les vôtres. » Il faut partir avec moi. Monsieur le conseiller, je suis mort, si Madame Vertamont ne vous quitte pour me suivre. Que la peste soit de votre moyen, chevalier, crevez plutôt 10 000 fois. Je le ferai, si Madame est aussi inflexible que vous. Ce que vous demandez est-il possible? Dit la dame. Rien n'est plus aisé. J'ai un carreau sans bas. Donnez-moi votre bras et partons. Laissez cet homme que vous n'aimez point et qui vous rend malheureuse pour venir avec un amant qui vous adore. La chose est simple et naturelle. « Vous n'êtes pas dans votre bon sens, » dit la dame. « Allons, mes amis, » reprit Plénoche, « je vois bien qu'il me faut mourir à l'instant. Ce sera fait dans 1 minute. » Il se tourna vers la porte. « Arrêtez !» dit Madame Vertamont. « N'est-il donc plus possible de vous rendre la raison ? Écoutez-moi encore. Je n'écoute plus rien. » La jeune dame témoigna, par tous les signes de la douleur, les combats qu'elle éprouvait en son âme. Mais voyant que son amant allait périr infailliblement, elle courut au chevalier et lui prenant le bras, elle s'écria. « Puisque vous voulez que je me perde pour vous conserver, soyez satisfait, je vous suis. » Ayant ainsi annoncé par cette belle antithèse que la passion l'emportait sur les scrupules, Madame Vertamont disparut avec notre héros. Le mari voulut se jeter au-devant d'elle, mais les 3 gentilshommes se placèrent contre la porte et le retinrent par force. Au bout d'une heure, le carrosse était déjà loin sur le chemin de Coulommiers, accompagné par les amis de Plénoche qui l'avaient rejoint à cheval.